السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحابة ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين، أما بعد. Bon, espérons que ça va pas être trop perturbant aujourd'hui. Il y a l'air d'avoir des coupures. De 1. De 2, espérons également que la batterie du micro ne coupera pas sur moi, car il n'y a rien qui m'indique. Si jamais c'est fini. Je sais qu'elle n'est pas très bien chargée. Donc si jamais ça coupe, ben, vous m'entendrez plus. Vous me verrez en ligne, mais vous ne m'entendrez plus. Et je ne pourrais peut-être même pas m'en rendre compte moi-même. Donc, Inch'Allah, la tawakkal, et on voit ce qui se passe. Mais je pense que ça va aller, Inch'Allah. Au pire, quelqu'un peut faire une réaction sur l'écran. D'accord ? Quelqu'un peut faire une réaction sur l'écran. Dans le cas où je reste connecté, mais qu'il n'y a plus de son. Non. طيب نواصل الآن في قراءتنا في هذا الكتاب. Donc on va poursuivre maintenant dans la lecture de ce livre. Et nous étions rentrés dans les questions qui sont relatives au tawhid. D'accord. Et le fait d'aller voir les voyants, les médiums, les marabouts et ce qui s'ensuit. نعم. ثم قال في السؤال 84 بعد المئة. 184e question. Ma hukm al-istisqa bil anwa. Donc maintenant il dit qu'en est-il de faire la demande de pluie à travers les astres. Qala ta'ala wa tajaluna rizqakum annakum tukadhibun. Que vous-même vous prétendez votre subsistance alors que vous démentez. Ça veut dire que vous-même vous prétendez que votre subsistance vous provient de telle et telle chose en démentant le fait qu'elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية يتركونهن لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة متفقون عليه. Il y a quelque chose, les choses de la jahiliya, de la période pré-islamique, qui seront toujours dans ma communauté et qui ne lâcheront pas. Des choses qui malheureusement se feront encore. Il a dit en premier lieu, à premier lieu, se vanter de sa généalogie. Deux, de diffamer celle des autres. C'est-à-dire comme le racisme ou autre, dénigrer quelqu'un pour ses origines, pour son ascendance, et ses réels. Et la demande de pluie par les astres. Et niyaha, niyaha, c'est la femme qui hurle et se déchire les vêtements et fait beaucoup de bruit lors de funérailles, lorsqu'il y a un mort. D'accord ? Elle en fait trop. Ça, c'est les choses de la jahiliya. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir bil kawkab. Famma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fa dhalika mu'min bi wa kafir bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw kadha wa kadha. Donc dans un hadith, après qu'il y ait une lutte de pluie, le lendemain, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après la salat du Fajr, s'est retourné vers les Sahaba, et il a dit, savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Ils ont dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. Il a dit, votre Seigneur a dit que ce matin, il y a des gens qui sont croyants en moi et qui m'y croient aux astres. Et d'autres qui m'y croient en moi et qui croient aux astres. Après, il a dit, quant à ceux qui ont dit que la pluie nous est venue par le bien d'Allah Azzawajal, celui-là il croit en moi et m'y croit aux astres. Quant à ceux qui ont dit que la pluie nous est venue par le biais des astres, alors celui-là croit aux astres et m'y croit en moi. Donc, attribuer toute activité terrestre par rapport aux activités célestes, d'accord, dans ce domaine-là, des astres et autres, cela rentre dans la croyance pré-islamique qui est liée à la jahiliya et qui est, elle, de la mécréance. D'accord ? Non. Et ensuite, on a expliqué le tafsil qu'il y avait par rapport à cela, que celui qui dit que, par exemple, c'est l'astre en lui-même qui a fait descendre la pluie, ça, c'est du kufr majeur. Quant à celui qui dit que c'est une cause qu'Allah Azzawajal l'a faite, alors que ce n'est pas une cause, ça, c'est du kufr asrar mineur. Non. Qala fi as-su'al al-khamis wa thamanin ba'd al-mi'ah. 185e question. Ma hukm at-tiyara wa ma... يذهبها. Donc maintenant, il a dit c'est quoi le jugement du Tiara et c'est quoi, qu'est-ce qui le fait partir. Et Tiara, c'est quoi? En fait, c'est la mauvaise augure. C'est qu'à l'époque, les Arabes, avant d'entreprendre un voyage, ils prenaient des oiseaux. Lorsque l'oiseau partait à droite, cela, pour eux, était un signe de bonne augure. Et si l'oiseau partait à gauche, cela était un signe de mauvaise augure, donc il ne partait pas. C'est pour ça que ça a été nommé Tiara, par rapport aux oiseaux. Mais en réalité, c'est plus général que cela. C'est la bonne augure et mauvaise augure, en fait, sur des signes, soi-disant, des signes prétendus par les hommes, qui n'ont aucune base religieuse. C'est basé sur des choses, d'accord, des événements, pour pouvoir, soi-disant, savoir si telle chose est bonne à entreprendre ou pas. Qala ta'ala, ala innama ta'irukum inda Allah. Il a dit, n'est-ce pas que votre mauvaise augure n'est qu'auprès d'Allah, azawajal, et non pas auprès de Moussa, parce qu'après, c'était les gens qui avaient fait la tiara par rapport à Moussa et son peuple. Quand les choses bonnes leur venaient, ils disaient que cela, elle le méritait. Et lorsqu'un mal est touché, ils disaient que c'est à cause de Moussa et de son peuple. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la adawa, wa la tiara, wa la hama, wa la safar. Donc, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi, il n'y a pas de contagion, c'est-à-dire qu'une maladie ne se déplace pas d'elle-même pour contaminer les autres. Ni de tiara, ni de mauvaise augure, ni de hama. Hama, c'est les hiboux. Car les gens, ils font de la mauvaise augure par rapport aux hiboux. Si un hibou venait sur ta maison, ça veut dire que tu allais mourir. Ou autre. Et vous savez qu'il y a une expression qui s'appelle oiseau de malheur, en français. Eh ben, vient de là. D'accord? Comme le corbeau, comme le hibou, ou d'autres oiseaux qui, soi-disant, sont annonciateurs de mauvaises nouvelles. Ou de malheur. Tout ça, ça rentre dans le tiara. Ça n'existe pas en religion. Voilà, safar. Safar, c'est le fait que c'est un mois qui porte, soi-disant, pour des gens qui portaient malheur. Dans lequel ils ne se mariaient pas, dans lequel ils ne voyageaient pas, et autres. Par rapport au mois en lui-même. Donc toutes ces croyances-là sont des croyances qui sont fausses. Comme aujourd'hui, vous avez les histoires des vendredis 13, passer sous une échelle, briser un miroir, toutes ces choses-là, toutes ces superstitions, d'accord ? Ça n'existe pas en religion. Tout cela, c'est faux. D'accord ? Tout cela est faux. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tiara shirkun wa tiara shirkun. Il a dit justement le tiara, ce qu'on appelle le mauvais augure, tout cela est du shirk. وقال ابن مسعود وما منا الا ولكن الله يذيبه بالتوكل. Et Ibn Mas'ud disait qu'il n'y a aucun d'entre nous qui n'y échappe, en fait, d'avoir ce côté un peu de mauvaise augure dû à un événement qu'il voit. Cependant, comment on fait partir par le tawakkul, c'est-à-dire la chose que tu as entrepris de faire, fais-la. Par exemple, un exemple que je donne souvent, quelqu'un il veut partir en voyage et la veille il entend, par exemple, il veut prendre l'avion et il entend qu'il y a un accident d'avion. Il dit, ah, mauvais signe de quoi? Il n'y a aucun mauvais signe. Quand dans la Machafara, l'avion d'hier, il a eu un crash, prends ton avion demain et pars. Ça n'a aucun, ça ne veut rien dire par rapport à toi. Ou quelqu'un, il est en route, il est en voiture, il veut partir en voyage avec sa famille, et devant lui, il voit un gros accident de voiture. Il dit, ah, mauvais signe. Quel mauvais signe? Il n'y a pas de mauvais signe. Ça ne veut rien dire. Tu as fait les causes, tu as vérifié ta voiture, tu as fait un contrôle technique, tu as regardé les freins, tu as regardé les pneus, tu as regardé la pression, et tout ce qui s'ensuit, tu as fait les causes. Là, c'est ton voyage, arrête. Cet accident, c'est quand dans la Machafaral. Une chose qui n'avait rien à voir. Ou quand bien même l'accident il t'arriverait, dis pas, ouais, j'ai eu un accident, je savais que j'aurais pas dû partir. Ça, non. Khata de dire ça. Car l'accident que tu as vu n'est en rien en signe qui t'indique que c'est bon ou mauvais pour toi. Ce n'est pas lié par rapport à toi. Ce n'est pas un signe qu'Allah il a fait pour t'avertir d'entreprendre telle ou telle chose. Là. D'accord? Tatawakkal. Donc celui qui s'en sort au fond de lui, il fait partir ce sentiment-là par le tawakkul. Il continue à faire ce qu'il a entrepris. Maintenant, on te dit, tu pars en bateau, qu'il y a une tempête. Oui, là, on dit, tu pars pas. D'accord. Vous voyez ? Là, c'est des choses, ça, c'est différent. Ça, c'est un fait qui est devant toi, concrètement. Mais les autres choses qui sont liées, elles, à des événements externes, à ton projet, à ton voyage, ou autre, ne les prends pas en compte. Et fais ce que tu as à faire. طيب ولأحمد بن حديث عبد الله بن عمرو من رضته التيراء عن حاجته فقد أشرك قالوا كفرت ذلك أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que celui dont le tiara, c'est-à-dire le mauvais augure, le refoule de son besoin, c'est-à-dire il allait faire quelque chose, mais à cause de la mauvaise augure, il l'a abandonné. Et là, il a fait du shirk, lui. Et après, les sahabas, ils ont dit, c'est quoi l'expiation pour celui qui aura fait cela? Il a dit de dire, oh Allah, il n'y a aucun bien à part ton bien, et il n'y a aucune mauvaise augure à part ta mauvaise augure. Et qu'il n'y a d'autre divinité en dehors de toi, digne d'être adoré. D'accord? Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, asdaquha afal, wa la yarud muslima. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Donc il a dit la meilleure des paroles c'est le fa'al. C'est quoi le fa'al? C'est le contraire en fait. C'est le fait d'être optimiste, d'accord, d'encourager. Et ça, ça joue sur le, ça joue sur le mental des gens. C'est pour ça qu'il faut toujours bien parler, encourager les gens, leur dire des choses bien, même aux malades ou celui qui a peur, l'apaiser. Car ce genre de choses, ça joue sur le moral de la personne. Et l'autre également le contraire, de faire peur aux gens, de les mettre dans la panique, de les mettre dans la psychose également. Donc le faire, c'est une bonne chose, être optimiste, et l'autre par contre, c'est mauvais. Donc il dit, celui qui voit une chose qui lui déplaît, c'est-à-dire au moment où il voulait entreprendre quelque chose, alors qu'ils disent, oh Allah, seul toi viens avec les bonnes, avec les hasanettes. Nul ne veut que la sonnette en dehors de toi, et nul ne repousse les seyyats en dehors de toi. Et il n'y a ni de force ni de puissance, ce n'est par toi. Naam. Summa yaqul ma hukm al-ayn. Donc maintenant, c'est quoi le jugement du mauvais œil? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ayn haq, muttafaqun alayh. Donc le ayn, c'est une chose qui existe. Il faut y croire. Le ayn, ça existe. Wa raha jariya fi wajjiha sufha, fa qala istalqaw laha. فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَ. Et une fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une jeune esclave qui avait dans son visage une, il dit safa, je ne sais pas ça veut dire quoi safa, comme une marque sur le visage qui indique qu'il y a mal. Il a dit faites le ruqya car elle a été atteinte d'un ayn. Donc un mal qui a été apparent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décelé. وَقَالَتْ عَيْشَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي من العين. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. Donc عائشة a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné de faire رقية à une personne qui sera atteinte d'عين. Et il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم qu'il n'y a pas de رقية si ce n'est pour le عين ou pour la fièvre. Et en fait le hadith il veut dire qu'il n'y a pas de رقية meilleure, car on a déjà vu que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit رقية pour autre que cela. Et que des sahabes ont fait ruqya pour autre que le ayn ou que la fièvre. Donc le hadith ne se restreint pas à cela seulement, mais qu'il y a un takdir, il y a un sous-entendu qui est qu'il n'y a pas de meilleure ruqya plus importante que pour le ayn ou pour la fièvre. Et là, c'est un conseil qu'on va donner aux gens. Le ayn, je veux dire, on peut en être atteint même à travers des vidéos et des photos de nous-mêmes. Donc attention aux gens qui exposent toute leur vie sur les réseaux. Attention à cela. Ou qui mettent leurs photos partout, sur leur téléphone, sur leur écran d'accueil, sur ce genre de choses. Là, tu peux prendre un ayn, même par cela. Déjà, à la base de ta souris, ce n'est pas permis. Comme vous le savez, on a déjà parlé pendant photo, les êtres humains, les animaux, les êtres qui ont doté d'âme, ce n'est pas permis. Ni ta mère, ni ton frère, ni ton enfant, ton nouveau-né, tout cela, ce n'est pas à prendre en photo. Donc le pire, c'est quand tu prends cela en photo, et ton enfant, par exemple, et tu partages avec tout le monde, et bien ton enfant, il peut se prendre un ayn de cette façon-là. Donc regardez également parmi les avantages de ne pas se filmer, se photographier, ça évite de s'exposer au haïn et à la jalousie. Donc, que dire de ces gens qui se mettent à tout va sur les réseaux, tout ce qu'ils font, ils étalent leur vie. Il ne faut pas une chose que tout le monde soit au courant. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont acheté comme vêtements? Où est-ce qu'ils sont déplacés? Avec qui ils sont posés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Toute leur vie, elle est sur les. C'est subhanallah. Tout est exposé aux yeux des gens. Et bien, ces gens-là, tu les verras le plus à même d'être atteint d'un haïn. Et après, ils se demandent pourquoi. Pourquoi t'as fait... Tu t'es exposé. Sans aucune faïda. Garde ta vie privée pour toi. Après, les choses à partager qui sont profitables pour les autres. D'accord? Tant qu'il n'y a pas de haram derrière, il n'y a pas de mal. Mais t'as des gens qui partagent toute leur vie. Leur vie, c'est un album photo. Aujourd'hui, avec les réseaux, tout ce qui est les Instagram, les Snapchat, les TikTok, tous les machins, les gens, ils mettent toute leur vie. Voilà, ils ont aucune pudeur, les gens. Ils n'ont pas de vie privée. Ils exposent tout aux yeux des autres. On est à une époque de voyeurisme, c'est incroyable. Une époque de m'as-tu vu, c'est incroyable. C'est toi à cause de ce téléphone-là. C'est une moussiba, c'est un fléau. Et les gens se font du mal, ils ne se rendent même pas compte. Même aujourd'hui, les gens, ils mangent. Tout ce qu'ils mangent, ils photographient. J'ai mangé ça, ça, ça, ça. Subhanallah. Maintenant, tu as un moment exceptionnel, tu veux garder en souvenir. Ou le montrer à quelqu'un en particulier. Bah, fais-le, mais ne fais pas tout va avec tout le monde. Ne fais pas tout va avec tout le monde. Et on commence sur les réseaux. Ça, c'est vraiment... Khifat al-aql. Ça, c'est des gens qui sont faibles d'esprit, ça. D'agir de la sorte. Gardez vos vies pour vous-même. Et ce qui est profitable aux autres, comme chose qui est encourageante ou quoi, pas de mal d'en faire profiter et de partager, mais sans, par exemple, se filmer, sans se photographier et sans faire de choses qui t'enseignent la religion. Ce maqala fi souel al-sabi wa thamanin badalmiya. 187e question. Il a kem qism tankasim al-ma'asi. Donc maintenant, les désobéissances, les péchés, se divisent en combien? Donc on dit en kaba'ir wa sagha'ir wa sayyi'at wa kaba'ir lil mubiqat. Donc ce sont les petits péchés et les grands péchés. D'accord? Les grands et les petits. Il y a quoi le soual 80 بعد 80 ou 8 soual 8 بعد 8 soual 88 بعد 100. Non, afwan. 188e question. Bimaza tukaffar al sayyi'at. Donc maintenant quelles sont les choses qui expient les sayyi'at, c'est-à-dire les petites fautes? قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous évitez les grands péchés, alors Allah effacera vos fautes, qui sont les petits, et vous fera rentrer d'une entrée noble, c'est-à-dire au Jannah. Le Nisa, les femmes, verset 31. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات, et que les bonnes actions effacent les mauvaises. فأخبرنا الله أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث أدبير سيئة الحسنة تمحوها. Donc Allah Azza wa Jal nous informe que les fautes minimum sont effacées tant qu'on évite les grandes, c'est-à-dire les grandes désobéissances. Et également accomplir une bonne action efface une mauvaise. Comme dans le hadith de Mu'az ibn Jabal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Elle l'effacera. Donc il y a toujours moyen de rattraper les erreurs. Naam. Et après, il y a différents ahadiths qui sont venus pour montrer comment effacer également les sayyi'at. Par exemple, de bien accomplir l'eau, même dans les moments difficiles. Par exemple, l'eau avec l'eau froide, quand il fait froid, au réveil. Ces choses-là, ça élève en degré et ça effose les sayyi'at. Ça expie les sayyi'at. Également, le marché au masjid. Marcher au mosdide à pied, cela efface les mauvaises actions. Et ça élève en degré. Également les salawat et khams, les 5 salawat que l'on fait. Cela expie les fautes. De Jumu'ah au Jumu'ah, entre chaque Jumu'ah. De Ramadan à Ramadan, entre chaque Ramadan. Également, Qiyam al-Layl, ça efface les fautes. Et fait de jeûner, Ashura, ça efface les fautes de l'année passée. Et autres, parmi les bonnes actions. Quelles sont toutes des façons d'expier les sayyat et les khataya? Et beaucoup de hadiths sont venus pour indiquer comment effacer les mauvaises actions. Yaqul fi souwal al-ta'siya wa thamanin ba'd al-mi'a. 189e question. Il dit ma hiya al-kaba'ir? Quels sont maintenant les grands péchés? Fi dhabitiha aqwal al-sahaba wa tabi'in wa ghayriha. Donc il y a beaucoup de définitions qui ont été données des kaba'ir. Qila yakul dhanb tarattab alayhi had. Tout péché qui implique une sentence dans ce bas monde, une sentence qui est appliquée par le gouverneur. Tout péché qui amène une sentence, c'est un grand péché. Wa qila yakul dhanb atba'at bil'ana. C'est tout péché qui implique une malédiction. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit des gens qui ont fait des actes. Ces actes sont considérés comme étant des grands péchés. Ou ghadab, ou une colère d'Allah Azza wa Jal. Ou nar, ou une menace du châtiment du feu. Ou ay uquba, tout châtiment impliqué par une transgression, cela indique que cet acte est parmi les kaba'ir. Naam. Et les kaba'ir, divergent également entre eux. Certains kabaïrs sont pires que d'autres. Certains kabaïrs sont pires que d'autres. Et vous savez, il y a une kabira qui, malheureusement, est très répandue et qui est devenue minimisée alors qu'elle est parmi les pires, qui est zina, la fornication. Et vous verrez que, min aja'ib hadhihi al-kabira, que ce péché, c'est un péché qui ne peut s'accomplir soudainement, mais qui a impliqué que des limites ont été dépassées au fur et à mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Mathalan, quelqu'un qui a volé, un exemple, quelqu'un qui a volé, quelqu'un part voler soudainement comme ça. Il rentre dans un magasin, il voit un objet, cet objet lui plaît, et Shaitan lui embellit la chose, il le vole, il sort avec. Il le vole. Il rentre chez quelqu'un, il vole un objet chez quelqu'un. Ou il voit, je ne sais pas, mon téléphone portable posé quelque part, il le voit, hop, il le vole, il sauve. D'accord? Ça arrivait comme ça. Mais la fornication, c'est un péché, tu ne peux y parvenir si ce n'est que en ayant enfreint d'autres choses auparavant. Comme par exemple, ça a commencé par un mauvais regard. Ça a commencé par une mauvaise relation. Une parole qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'accord? Et ça a commencé par toucher un contact qui était interdit. Soit par un serrage de main, soit par une bise, soit une caresse. Après, ça a fini par une isolation avec une personne qui était interdite. Et ça a amené à regarder des parties. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait la fornication, il a forcément enfreint par cela. C'est comme si demain, on mettait, comme il dit dans le hadith, les Kouli Malik Hima, que chaque roi a un terrain interdit, et que déjà, ils ont mis des barrières pour ne pas que tu arrives à ce terrain interdit. Et toi, tu as fait consulter les barrières. Une barrière, deux barrières, trois barrières pour arriver dans ce terrain interdit. Donc là, on va dire, Wallah, pour que tu sois rentré dans ce terrain interdit, c'est que tu l'as cherché. Tu n'as pu tomber là dans ce terrain interdit par inadvertance. C'est pas possible. C'est que tu as voulu y aller et tu as sauté les barrières électriques. Et tu as passé le gardien, tu as passé les caméras, tu as esquivé. Tu as voulu arriver à ce stade-là. Et bien, le zina, c'est pareil. Quelqu'un qui a fait zina, c'est qu'il a cherché à y arriver. On ne dit pas qu'il voulait faire zina, mais il a enfreint les choses qui l'empêchaient d'y aller. La mixité, le regard avec des femmes interdites, le contact avec elles, ou les correspondances en privé, ou le contact, ou le regard, le sourire, tout ça. Tu ne tombes pas sur une femme comme ça, dans la rue par inadvertance, c'est pas possible. C'est qu'auparavant, il y a eu des infractions qui ont été faites. Et malgré cela, c'est un péché lorsque la sentence allait appliquer. C'est une sentence qui demande vraiment une observation incroyable. C'est-à-dire, soit qu'il y a eu quatre témoins qui ont vu l'acte, comme on l'a dit, clair. Quatre témoins qui ont vu l'acte clair. Comme on le disait la dernière fois, la pénétration claire. Et quatre témoins. Pas un, pas deux, quatre qui ont dû voir la chose et qui en témoignent. D'accord? Ou alors que la personne, elle a avoué. Et même quand la personne l'a avoué, il y a des sahaba à qui c'est arrivé. Ils avaient avoué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu les écouter. Ils ont dit, est-ce que tu as bu? Il a dit là. Albika jinnah, il a dit là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se détournait de lui. Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as bu de l'alcool? Est-ce que tu étais ivre? Est-ce que tu as un mess? Est-ce que tu as un haïn dans le sens que tu as un mal occulte? Est-ce que tu es pris de folie? Il dit non, non, non. Pour dire que vraiment tout ça s'est repoussé. D'accord? Pourquoi est-ce que cela entache l'honneur du musulman, du croyant? Et de la croyante. C'est une chose qui est grave. Et aujourd'hui, pareil, tout à l'heure, on parlait des téléphones et tout ce qui est exposé à sa vie. Les gens, c'est pas aujourd'hui. Les femmes en se mettant en photo, en se faisant leurs photos sur les réseaux. Et les hommes, pareil. Faut pas croire qu'il y a que les femmes, hein. Les hommes aussi qui font du sport, qui sont athlétiques, qui sont bien faits. Ils exposent leur corps et ils sont des fitnas pour les femmes. Ou même ces prédicateurs qui se filment. D'accord? Vous pensez qu'ils sont pas des fitnas pour des femmes? La sœur va voir le ders de un tel et de un tel. Tu penses que t'es pas une fitna pour les femmes? T'es une fitna pour la femme. Exactement. Elle peut te voir, tu lui plais. Tu crois qu'elle vient pour écouter ton ders? Non, elle vient parce qu'elle aime te voir. Et t'es une fitna pour elle. Et subhanallah. Ah, ce frère-là, j'aime trop comment il parle, j'aime trop comment il se coiffe, j'aime trop comment il s'habille. Bah, comment elle a su? Parce que tu t'es montré, tu t'es exposé, tu t'es filmé. Alors que tout ça, tu peux t'en passer. Et ben, dans cela, tu es une fitna pour les femmes. Et des histoires qu'on nous racontait de frères qui, malheureusement, sont tombés dans le piège de femmes, car elles ont été séduites par eux pour s'être montrées trop, puisqu'il le fallait. Donc attention à ce genre de choses. Ce genre d'acte n'amène forcément qu'à des transgressions au préalable. Sachez-le. C'est pour ça que la sentence, elle est très très dure. À mort, Naam. ثم قال في سؤال التسعين بعد المئة 94e question. بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ Donc maintenant, par quoi sont expiés justement tous les péchés, qu'ils soient petits ou grands? تكفر جميع عبد التوبة النصوح. Donc à la base, tous les péchés sont expiés par la Tawbah. Tawbah النصوح. La Tawbah sincère, véridique. Car souvent on dit aux gens, Astaghfirullah wa tubu ilayhi. Et les gens pensent que c'est rien. Voilà, faire une Tawbah, c'est dire. C'est difficile une vraie Tawbah. Et c'est un acte qui est immense. Et c'est un acte que Allah Azza wa Jal, il aime. Et ce n'est pas tout le monde qui est mouafak ou faire une Tawbah d'un péché. Ce n'est pas tout le monde, hein, faut pas croire. Combien de gens ils disent, à longueur de temps, ils disent Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ou plutôt, ils vont dire, selon leur langue, Astaghfirullah, comme ils disent. Astaghfirullah, ça n'existe pas. C'est Astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est un kalem, c'est du darija, c'est du dialecte, c'est pas de l'arabe. C'est Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah Azza wa Jal. C'est une parole sur la langue qui est facile à prononcer. Mais derrière, est-ce qu'il y a un suivi dans le cœur? Est-ce qu'il y a un suivi interne? Est-ce qu'il y a un ressenti? Est-ce qu'il y a un regret? Est-ce qu'il y a une motivation de ne plus recommencer? Est-ce qu'il y a vraiment une décision à ne s'arrêter sur le champ? Ah, ça, c'est pas tout le monde ça, qui ressent ce tawfiq-là. C'est ça le tawbah, Nassour. Comme encore le ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dans le sens où Allah dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, afin que votre Seigneur vous expie vos fautes et vous fasse rentrer au paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. At-Tahlim, l'interdiction, verset 8. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَةً. Hormis ceux qui seront repentis et qui auront cru et qui auront œuvré des œuvres de bien, ceux-là, Allah leur changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Al-Furqan, discernement, verset 70. وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ceux qui ont, lorsqu'ils ont fait une turpitude, qui ont été injustes envers eux-mêmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonnent les péchés en dehors d'Allah, Azawajal. Et qui ne persistent pas. Ils cessent ce qu'ils ont fait. Car ils savent le mal qu'ils ont fait. Cela, leur rétribution sera un pardon de leur Seigneur et des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux. Al-Imran, verset 135. Donc, al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, at-tawbah tajib ma qablaha. Que la tawbah vient pour effacer ce qu'il y avait au préalable. Et même demain, tu as fait tawbah, sincèrement, tu as recommencé. Tu as fait tawbah, tu as recommencé. Tu as fait tawbah, tu as recommencé. Ton tawbah, il est accepté. Tant que tu étais sincère dans le tawbah. Maintenant, tu fais tawbah de façon verbale, juste la langue qui bouge, mais le cœur, il ne bouge pas. Et le corps, il continue. Ça, ce n'est pas pris en compte. Donc, ne pas désespérer également de retomber dans les péchés. Et qui ne retombe pas dans les péchés? C'est rare, quelqu'un qui ne récidive pas. Mais ce qui est surtout demandé, c'est qu'au moment où tu as fait tawbah de ton acte, que tu étais sincère et que vraiment, tu t'es dit, je ne veux pas recommencer. Et surtout quand c'est le droit des gens, tu le rends aussi également. Tu rends le droit aux gens. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu as volé quelqu'un, tu as arnaqué quelqu'un, tu as menti à quelqu'un, tu as lésé quelqu'un, ainsi de suite. Et également, tu ne dis pas « Astaghfirullah » et tu es dans ton coin. Non, cette personne-là, tu le rends son droit. Car si jamais tu le rends pas en ce bas monde, tu le rendras Yom Al-Qiyama, à un moment, ça pourrait être encore plus douloureux pour toi et plus périlleux. Donc cette dunya, elle est toujours une occasion de pouvoir se repentir. Et il n'y a aucune honte à se repentir. Wallah, il n'y a que de la izza. Il n'y a aucune honte à se repentir. Wallah. C'est sûr que c'est au début, c'est amer, ça casse le nefs. Mais franchement, par la suite, si Allah t'accepte ton pardon, eh ben c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est effacé. Fadlallah ta'ala. Et parmi les choses qui effacent la tawbah, parmi les choses qui effacent les péchés, il y a l'islam. Quelqu'un qui se convertit, qui entend l'islam, d'accord, c'est efface tout ce qu'il a fait auparavant. Il y a le hajj mabrour, un hajj bien accompli. Le hajj mabrour efface tout ce qu'il y avait auparavant. Tant que ça ne touche pas aux droits des gens. Et il y a la hijra. La hijra efface tout ce qu'il y avait auparavant également. Tant que ça ne touche pas aux droits des gens. Subhanallah. Et comme vous le savez, il y a aussi des choses qu'Allah Azza wa Jal envoie sur les serviteurs pour leur expier leurs fautes. afin qu'il soit purifié dans l'au-delà devant lui. Et il y a plein de choses qui touchent la Ummah. Comme vous le savez, par exemple, ce qui s'est passé cette nuit au Maroc. Tayyib, Sallallahu yarham mawtana wa yashfi jarhana wa yu'awid bi khayrin mimma ukhiza minhum. Que Allah fasse miséricorde à nos morts, parmi nos frères et nos sœurs. Également qu'il guérisse nos blessés et qu'il remplace les biens dédommagés et autres. Mais ce genre de choses, on le sait, elles ne viennent pas pour rien. Elles viennent comme rappel pour nous faire peur, sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas regarder les causes mondaines, les plaques sismiques ou non, on regarde rien de tout ça. On regarde les causes qui nous incombent à nous. Qu'est-ce qu'on a fait nous pour être atteint d'une telle chose? C'est qu'Allah Azawajal veut qu'on vienne vers lui. Faut pas être pris par les sentiments, les émotions et commencer à s'éparpiller et à se perdre. Ce genre de choses, elles ne viennent pas pour rien. Tout ce qui est séisme, tout ce qui est ouragan, tout ce qui est tsunami, tout ce qui est éruption volcanique, ces choses-là, d'accord? Allah Azawajal expie nos fautes par cela, de la Ummah. Lorsqu'on est trop loin, c'est pour nous rappeler de revenir vers lui. Même ce qui arrive aussi au Yémen, avec les Houthis, ce genre de choses. Ce sont des épreuves qui nous touchent. Pourquoi? Pour que les musulmans viennent vers leur Seigneur. Toujours. Il faut s'en rappeler. Donc c'est une rahma, c'est une hikma qu'il y a derrière. On est pris auparavant qu'Allah ne fait jamais de mal. Ce mal, il est par rapport à nous, à nos yeux, à nous. Mais concrètement, il est un bien pour que nous puissions, qu'on puisse se rattraper et s'améliorer, aller de l'avant et se réformer. C'est un goût qui est amer, un médicament qui est amer, mais dont les résultats peuvent être grandioses par la suite. Ça fait mal au cœur. On est triste de ce qui arrive. Mais il faut comprendre pourquoi cela arrive. Pour pas que cela se reproduise et que cela soit une leçon pour les autres à l'extérieur, car personne n'est à l'abri que cela arrive. D'accord? Mais on espère pour ces gens qui sont morts, qui ont été tués, on espère pour eux le martyr, l'expression de leur faute en ce bas monde et autres. Et que cela également soit un ibra, une leçon pour les vivants, pour nous tous. Et toujours faire les doigts pour eux. Quiconque qui soit touché par ce genre de fléau, faire les doigts pour eux et qu'on soit compatissant envers eux. D'accord? Mais rappelez que cela vient d'Allah Azawajal et que cela ne vient pas pour rien. Cela ne vient pas pour rien et c'est une leçon pour nous tous. Malgré cela, faire les doigts pour eux. Tayyib, faire les doigts pour eux. Et que ceux qui sont en moins d'aider les gens, qu'ils les aident autant qu'ils peuvent. Non. Et aussi, attention, ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas prendre cela comme un tiara. Quelqu'un il dit, ouais, il y a un tremblement de terre. Khala, je vais pas en France, je reste au Maroc. Ici, en France, je suis tranquille. Tranquille de quoi en France? Voilà, vaut mieux un tremblement de terre au Maroc que une déviance en France. Sache-le. Sache-le. طيب. ثم يقول في السؤال 91 بعد المياه 191e question. ما هي توبة النصوح؟ C'est quoi maintenant la توبة النصوح؟ هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاث أشياء. C'est la توبة, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est véridique et qui regroupe trois choses. الأول الإقلاع عن الذنب. Cesser immédiatement le péché. الثاني الندم على ارتكابه. Le fait de regretter de l'avoir accompli. Ce que tu as fait là, tu regrettes amèrement de l'avoir fait. وثالث العزم على أن لا يعود أبدا. Et après, être déterminé à ne pas recommencer. وإن كان في مظلمة لمسلمين تحلل منه إن أمكن. Et si jamais il y a un mal qui atteint un muslim, alors qu'il sent délit, s'il peut le faire. Comme nous disait tout à l'heure. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه يوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له حسنات أخذ من حسناته ولا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. Donc il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que celui qui a fait un mal à son frère alors qu'il s'en délie en ce bas monde avant que ne vienne le jour il n'y aura plus justement d'argent à rendre et que si jamais il laisse cette personne là roi des hasanat, on lui prendra ses hasanettes pour les donner à la personne qui l'aura lésé. Et que si jamais il n'a plus de hasanettes, alors on prendra des seyyats de la personne qui l'a lésé pour les mettre sur lui. Donc c'est quoi le meilleur? C'est de dès maintenant de s'en léser, quitte à payer de l'argent, quitte à rembourser des dommagés. Vaut mieux maintenant que plus tard, au moment où ce sera plus difficile. Non. وقال في السؤال الثاني والتسعين بعد المئة سقط دوزيام كيستيون ما تتقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس دونك maintenant à quel moment la توبة cesse pour chaque individu قال الله عز وجل إنما توبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما donc il a dit dans le sens que la توبة c'est pour ceux qui auront fait un mal d'accord qui auront fait un mal بجهالة جهالة c'est comme cela va venir c'est toute désobéissance s'appelle جهالة et ensuite la personne sera repentie d'accord cela Allah Azza wa Jal lui acceptera le repentir et que Allah est omniscient et parfaitement sage Sourate An-Nisa verset 17 واجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل شيء عصي الله به فهو جهاله comme on vient de le dire que les sahaba étaient unanimes pour dire que toute chose par laquelle Allah a été désobéi ça s'appelle جهاله سواء كانت عمدا او غيره que cela soit fait volontairement ou non ça s'appelle جهاله وان كان ما قبل وان كل ما قبل الموت فهو قريب et quand dans le verset lorsqu'il dit Yatoubou min karib, c'est le fait de faire Toba avant la mort. Donc c'est ça le shahid que l'auteur il veut indiquer. C'est que la Toba doit être faite avant l'agonie de la mort. Tant que tu es vivant, que tu n'es pas aux prémices de la mort, de l'agonie, là, tu sais que tu vas mourir sur le champ là, ta Toba, tu peux la faire. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah la yakbel tawbat al-abd malam yughadghir » Que Allah accepte la Toba du serviteur tant qu'il n'est pas dans l'agonie de la mort. Par exemple, qui a voulu se repentir et se fut trop tard pour lui? Qui? Pharaon. Lorsqu'il a vu, après tous les signes qu'il a vus, et que malgré tout, il est resté dans sa tyrannie, dans son injustice, il a dit « Amantu billazi amalat bi banu Israël wa anam muslimin » Il a dit « Je crois entre cette divinité à laquelle on crie banu Israël, je suis du nombre des musulmans, des soumis. » Quand Allah Azzawajal a l'haine, il dit maintenant, tu crois maintenant, après que tu étais parmi les gens les plus tyrans sur terre, ça n'a pas été accepté. C'est trop tard pour Pharaon. Et il y a un même hadith qui est venu, je ne sais plus s'il est authentique ou pas, qu'il était dit que Jibril, lorsqu'il a vu Pharaon voir la mort devant lui avec la mer qui tombe dessus, tellement il n'a pas voulu qu'il fasse taouba, qu'il a pris de la terre, qu'il l'a mis dans la bouche, pour pas qu'il fasse tawbah. Alors, le tafasil, c'était raconter cela. Après, je ne sais pas si c'était authentifié ou pas. Et quoi qu'il en soit, Pharaon n'a pas été pardonné. Bien qu'il ait cru avant de mourir, mais trop tard. Il a voulu accepter. À la base, il croyait depuis avant, mais il refusait. Rappelez-vous, on avait dit que parmi, il y avait Kufr, Al-Juhud, le fait de rejeter, du rejet, du déni. C'était le cas de Pharaon. Mais au fond, lui, il savait. L'istikbar, par l'orgueil. D'accord ? Et malgré cela, il savait. Le seul moment où il a voulu admettre, trop tard pour lui. Donc, celui qui veut faire Toba au moment de l'agonie de la mort, c'est plus accepté pour lui. Mais il a, avant cela, il a toute sa vie pour faire Toba. Toute sa vie à tout moment. La Toba à tout moment. Il n'y a pas de lieu. Tu fais Toba quand tu veux, le matin, le midi, le soir, dans un hadith, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yabsutu yadahu bil layl, liyatouba musiy al-nahar, wa yabsutu yadahu bil nahar, liyatouba musiy al-layl. Que Allah azza wa jal étend sa main pour le repentir la nuit pour celui qui aura fauté le jour. Et qu'il étend sa main de jour pour que se repente celui qui a fauté la nuit. À tout moment, tu fais tawba. Donc là, c'est. Pour chaque individu, à quel moment la Toba s'arrête ? Avant la mort. Souma kala fi souba les salis fotisin bad al-miya, 193e question. Matatan kati a Toba min omr et dunya. Donc maintenant, à quel moment la Toba s'arrête de façon générale ? Pour tout le monde. Kala ta'ala, yom yati ba'du ayat rabbik, la yenfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min kabalu, ou kasabat fi imaniha khayra. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين ثم قرأ لا ينفع نفسا إيمانها. Donc dans le sens où Allah dit, le jour où certains signes de ton Seigneur seront visibles, cela ne servira plus à quiconque de croire. D'accord ? Et que toute personne qui n'aura pas fait du vieux auparavant, cela ne sera pas pris en compte. L'An'am, les bestiaux, verset 158. Et c'est qu'en ce moment-là, justement, dans le hadith rapporté par Bukhari, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'heure ne viendra pas tant que le soleil ne se lèvera pas de son couchant. Et à ce moment-là, tout le monde verra et tout le monde croira. Cependant, il sera trop tard. Pourquoi ? Ça sera tellement évident devant les gens qui vont croire. On dit que ce sera trop tard à ce moment-là. D'où le croyant, celui qui croit sans voir. Mais une fois que tu auras vu, tout le monde croit à ce moment-là. Comme quand tu es à l'agonie, que l'ange vient prendre ton âme. Tu le vois, l'ange, à ce moment-là. Tu crois, mais trop tard. C'était avant qu'il fallait croire. Quand les versets étaient récités, quand les hadiths étaient lus, quand les croyants étaient visibles, quand tout cela était là, c'est là qu'il fallait accepter. Après ça, c'est trop tard. Wallahi azubillah. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme as'ila. Voyez, donc attention de bien se rappeler que tout ce qu'on prend aujourd'hui, c'est un ilm qui nous sert, qu'on doit appliquer. Ce n'est pas juste on écoute un ders comme ça, on passe du bon temps ou ça fait du bien ou quoi. Là, c'est pour être appliqué. Ce genre de durus nous apprennent à nous repentir. Ce genre de durus nous apprennent à différencier entre nos péchés. Et qu'ils soient grands ou petits, faut tous demander pardon de toute façon. Faut pas dire c'est un petit péché normal. Non, c'est... comme disait le salaf, la tanzur ila sighar dhanbik wa anzur ila 'idham man 'asayt. Ne regarde pas la petitesse de l'acte que tu as commis, mais regarde la grandeur de celui qui tu désobéis. Et si jamais tu penses comme cela, quoi que tu fasses comme faute, tu te sentiras mal. Tu te sentiras mal, il faudra que tu te repentisses. Mais bien évidemment, il y a des péchés qui sont pires que d'autres. D'accord ? Et aussi, une grande pensée à la Oumma au Maroc, il fallait dora pour eux. D'accord ? Dora pour eux. Et lorsque les cœurs sont apaisés ou quoi, que chacun, quand il peut, fasse un rappel à sa famille qui est là-bas. À son niveau. Chacun fasse un rappel. D'accord ? Que chacun s'améliore par la suite. Qu'il se rappelle que cela, ce sont des signes d'Allah Azzawajal pour nous faire peur. Et pour qu'on revienne vers lui. Subhanahu wa ta'ala. Naam. On a que ta vie de l'Qadr. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.